rappelles la loi comme un feu, un trésor vivant pour le cœur. Tu dis que nul n'a vu ta forme, mais tous ont entendu ta voix, Seigneur. Tu interdis les images mortes, car tu es un Dieu vivant, et la parole vaut plus que la pierre quand elle traverse les âges lentement. La parole